Nous ouvrirons l'émission avec Denis Lelièvre, notre collègue à CKRL que vous connaissez peut-être. Il est l'animateur de Chansons sur Parole, le jeudi également. Et lors de son émission du 17 octobre, il s'est entretenu avec Luc-Alain Giraldo. Luc-Alain Giraldo est professeur au département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal. Et il est aussi l'auteur d'un livre intitulé « Dans l'œil du pigeon » paru aux éditions Boréal. Une entrevue fort intéressante donc que nous avons jugée pertinente de vous diffuser pour les auditeurs de Futur Simple. Il sera question de comportement humain et d'évolution. Luc-Alain Giraldo, vous êtes avec nous puisque vous avez fait paraître un ouvrage de vulgarisation scientifique chez Boréal qui a pour titre « Dans l'œil du pigeon, évolution, hérédité et culture » et dont la préface a été signée par Boucard Diouf. Vous êtes chercheur, chef de département du département d'études scientifiques de l'UQAM à Montréal. Vous en êtes aussi le doyen de la faculté des sciences au sens plus large. Et la communauté scientifique en général a souligné par certains prix importants votre contribution à la recherche et à cette aptitude d'ailleurs à la communication et à la vulgarisation scientifique. Alors donc, vous nous proposez de partir de l'évolution et d'arriver à la culture, donc de faire le lien entre des disciplines vraiment scientifiques et des disciplines de sciences humaines qui vont nous amener à mieux comprendre aussi la place du langage, de l'art, chez l'être humain. Alors, ce bouquin-là part d'une expérience que je qualifierais de sensorielle, qui va devenir déterminante, fondamentale pour vous. Une expérience que certains d'entre nous avons peut-être vécue, mais nous ne l'avons pas retenue pour avoir une vocation de chercheur scientifique. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi ce titre de « L'œil du pigeon ». Oui, effectivement, si on s'arrête deux minutes pour regarder les animaux autour de nous. Si vous avez un chien ou un chat chez vous, vous pouvez vivre la même expérience, mais prenez le temps de le faire. Moi, ce qui est arrivé ce jour-là, c'est que j'ai remarqué que ce pigeon me regardait. Il me regardait assez intensément, de sorte que je me demandais ce qu'il regardait. Et quand on pose la question « qu'est-ce qu'un pigeon regarde quand il regarde un humain? », forcément, c'est une question à propos de l'humain qu'on pose. On se dit « qu'est-ce qu'il voit? » Et qui je suis? Qu'est-ce qu'on est, nous, humains? » Et d'essayer de fantasmer sur ce que pouvait représenter un humain pour un pigeon, ça n'a rien de scientifique, mais c'était pour moi une expérience de découverte, qu'on était finalement, nous les humains, une espèce assez étrange, assez différente des pigeons, mais ça ne dit pas grand-chose parce que toutes les espèces sont différentes les unes des autres, mais d'oublier que tout tourne autour des humains, puis de se rendre compte qu'on est une espèce dans un monde qui est peuplé de centaines de milliers d'espèces et que ces espèces qui sont autour de nous viennent toutes de la même place. Et ça, c'est un peu étourdissant. Hein? Donc, finalement, il y a une origine commune aux pigeons, aux vers de terre, à la libellule. On partage tellement de choses avec eux, mais on prend ça pour acquis. Et ce livre-là que j'ai écrit parle de cette expérience où on s'étonne de qui on est. Et moi, j'enseigne souvent le comportement animal à l'université. Mm-hmm. Et quand je me retrouve dans une fête, un party, un cocktail, puis les gens me disent « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis je dis « moi, j'enseigne le comportement animal. » Il y a toujours une espèce de silence, un peu malaise, un sourire un peu comme c'est pas sérieux. Puis là, ils se rendent compte que c'est vrai que j'étudie le comportement animal, fait qu'ils finissent par me dire qu'ils ont un problème avec leur chien ou que le chat aussi. Puis là, je me dis, ils ont vraiment pas saisi, puis le party, c'est pas le temps de m'asseoir puis de leur faire une explication. Le livre est une réponse à tous ces gens qui pensent que l'étude du comportement animal, ça pourrait être quelque chose de farfelu qu'on fait en marge de la vie. C'est vraiment assez central à la vie. Assez central. Donc, votre champ de recherche, c'est la biologie, mais plus précisément ce que nous appelons depuis quelques années l'étiologie. Donc, l'étude de la biodiversité animale, mm-hmm. planétaire. Oui. C'est ça. Donc, le comportement de l'animal au point de départ. Si nous lisons la quatrième de couverture de ce bouquin, on voit trois idées centrales qui apparaissent, c'est-à-dire réaliser que nous appartenons à une communauté matérielle. On aura la chance de définir ça davantage. Deuxièmement, qu'il faut éviter de croire que tout est déterminisme, démythifier un peu ce concept-là, qui appartient souvent à la philosophie, mais qui se répand dans la faveur et la rumeur populaire. Et aussi, démythifier cette idée plutôt récente à la mode que on pourrait revenir à la nature et modeler notre comportement sur celui de l'animal, puisque par essence, il serait meilleur pour l'animal et pour l'humain. Alors, j'aimerais partir de la question du déterminisme. Oui. Ben, quand on dit qu'on est biologiste, ça évoque des images chez les gens. Puis là, les gens s'imagine la biologie comme quelque chose de quasiment biomédical. Hein. On étudie les gènes, on étudie les cellules et les réflexes, et il y a une vision très déterministe de la biologie. Si vous avez un gène pour les yeux bleus, vous allez avoir les yeux bleus. Que vous aimiez ça ou pas, vous n'avez pas le choix. Et si on dit après ça qu'il pourrait y avoir des composantes génétiques au comportement, les gens font tout simplement la supposition qu'on dit exactement la même chose. Puis là, il parle, on peut voir des fois dans la presse populaire, un gène pour le viol, ou un gène de la fidélité, ou un gène de ci. Ça n'existe pas, un gène pour un comportement. Ça n'existe pas. Il peut y avoir des influences génétiques au comportement, mais ces influences génétiques, elles sont plutôt de l'ordre de la probabilité, de la tendance, du peut-être. Probablement que je vais avoir des enfants qui vont avoir des choses qui me ressemblent, mais c'est une part de gène, c'est une part du milieu, c'est tout ça qui travaille ensemble. Puis d'essayer de faire la part de l'un et de l'autre, c'est vraiment impossible, en fait. Et donc, ce que j'aimerais dire à ceux qui croient que... puis là, je voudrais faire une parenthèse, parce que en sciences humaines, à raison, il se méfie du biologisme, hein, parce que il y a encore du biologisme. On a juste écouté la gang de Donald Trump là. Il y a beaucoup de biologisme là-dedans. Il y a des sous-entendus qu'il y a des races inférieures, qu'il y a des gens qui sont. Il y a beaucoup de biologisme. On fait de la pseudo-science et on utilise Darwin à mauvais escient. On utilise la génétique à mauvais escient pour promouvoir des idéologies. Et l'alternative, ce serait qu'on nie toute biologie au comportement. Puis ce que j'essaie de dire, c'est que malheureusement, c'est une erreur de faire ça. Il y a de la biologie dans le comportement, mais il faut savoir qu'il y a des excès dans le passé de biologisme qu'il faut éviter. Et c'est en étant conscient de la mauvaise manipulation des théories scientifiques qu'on peut se parer contre leur usage à des fins idéologiques. Ceci dit, je pense que le déterminisme... Écoutez, j'ai lu récemment un livre de sciences sociales, de sociologie, de M. Bernard Bernard Lahire. Alors, ça a été publié, ça, en France. Et M. Lahire, son livre, c'est pour en finir avec la sociologie de l'excuse, si vous voulez. C'est pas de sa faute, il est né dans un milieu défavorisé, donc ça va mener nécessairement à ce qu'il soit de telle façon. Et les gens disent, la sociologie, ça fait juste excuser les gens. Lui, il dit, on peut faire de la sociologie, on peut accepter qu'il y a des déterminismes sociaux au comportement, et pour autant, ça n'excuse pas les gens. Et c'est ce que je dis moi aussi, sauf pour la biologie. Il y a des déterminismes biologiques, ils sont soft, ils sont probabilistes, et ils ne peuvent jamais être utilisés pour disculper les gens de ce qu'ils font. Les oiseaux chanteurs. Vous parlez à un moment donné dans votre livre de théologie naturelle et, oups, pas loin, vous évoquez les chrétiens fondamentalistes des USA qui, eux, aiment bien Darwin, pour les raisons qu'on sait. Oui. Alors, moi, j'ai perdu le fil de votre question. Ben, ma question, c'est sur la religion. Oui. Fond. J'essaie d'expliquer dans ce chapitre-là sur la religion que c'est plus fort que nous autres, que lorsqu'on voit quelque chose qui est assemblé et qui fonctionne, de présumer qu'il y a eu quelqu'un qui l'a déjà planifié. Si, n'importe quel appareil qui nous entoure, que ce soit notre iPhone, c'est pas vrai que l'iPhone est venu tout seul. Il y a quelqu'un qui a eu un plan, qui a fait le plan du iPhone, il a été construit, et chaque partie fonctionne. Alors, quand on regarde un être vivant, ça a l'air d'un iPhone encore plus sophistiqué. On se dit, ça peut pas avoir été bricolé là, à la va comme je te pousse. Alors, j'essaie d'expliquer, et les fondamentalistes américains, les religieux, utilisent beaucoup cet argument-là, qui était l'argument de William Paley, qui est devenu l'argument du dessin intelligent. Donc, il y a eu un... les choses sont trop fonctionnelles pour qu'elles se soient créées d'elles-mêmes. Et il y a un économiste de gauche, Jeremy Rifkin, qui lui prétend... impossible la sélection naturelle, ça serait comme espérer qu'un Boeing 747, on lance les pièces dans les airs, puis tranquillement, à un moment donné, il va s'y construire. Alors, j'explique dans le livre, en utilisant une analogie qui n'est pas la mienne, qui vient de Richard Dawkins, qui a écrit un livre bien avant moi, qui s'appelle « L'horloger aveugle ». Et dans ce livre-là, il explique qu'il suffit qu'il y ait une petite amélioration qui arrive, un coup de chance, une luck, qui est très improbable que la sélection naturelle va le garder. C'est comme un mouvement mécanique qui ne peut aller que dans un sens, qui ne peut pas revenir en arrière. Fait que il y a eu des milliards d'années, je ne sais pas si vous vous rendez compte des milliards d'années, ce que ça représente. Moi, des fois, une heure, c'est interminable. Alors, 4 milliards d'années, c'est au-delà de notre compréhension. C'est beaucoup, beaucoup de temps pour gagner des gros lots. Si je gagnerais la 749 là, facilement, si j'avais 4 milliards d'années à attendre avec mon billet, je vais finir par le gagner, c'est sûr. Alors, il y a le temps est tellement long que tous ces heureux hasards, ces gros lots, ils ont eu la chance d'avoir lieu, et à chaque fois qu'ils ont eu lieu, ils ont été conservés. Fait que moi, si je pouvais avoir toutes les pièces d'un Boeing 747, puis je les lançais dans les airs, mais qu'à toutes les fois que, par hasard, il y a deux morceaux qui allaient ensemble, qui tombent un à côté de l'autre, j'y laisse là, puis je continue à lancer, je vais être capable de construire un 747, si vous me donnez 2 milliards d'années. Parlons maintenant d'une question qui intéresse toujours beaucoup le grand public, c'est-à-dire la différence entre hommes et femmes, le rapport homme-femme. Et puis, la question de la sexualité. Vous évoquez, c'est en exergue un mot de Catherine Vidal qui pose l'interrogation, le cerveau a-t-il un sexe? Un petit peu plus loin dans le bouquin, vous semblez dire, vous parlez non pas d'Adam et d'Ève, mais d'Ève et Adam. Vous la placez en premier dans une espèce de chaîne de construction. Et dans certains cas de fécondation, la femelle pourrait s'en tirer toute seule. Et l'automne de 2015, vous avez remis un prix à Isabella Rossellini. Vous l'avez fait venir pour une conférence spectacle. Elle-même, en Italie, suit des cours d'éthiologie depuis quelques années. Et elle est venue présenter un spectacle qui s'appelle « Le bestiaire humain », où, avec le ton de l'humour, on en a appris pas mal sur la biodiversité animale. Oui, tout à fait. Alors, Madame Vidal, qui est une neuropsychologue ou neurobiologiste, elle dit « ça se peut pas que des différences hommes-femmes qui sont inscrites dans le cerveau. » Et elle travaille dans le cerveau. Et moi, ce que je lui dis, c'est que pourquoi est-ce qu'il y aurait une trace dans le cerveau d'une différence comportementale? La question n'est pas là. Et elle cherche un déterminisme. Hein? Elle cherche... il y a ce bidule-là qui fait que immanquablement, on ne peut pas faire autrement que de faire ça. Et elle ne le trouve pas, puis elle a raison. Et on fait grand cas de différence entre les mâles et les femelles dans le cerveau. Et à vrai dire, il n'y en a vraiment pas gros. Okay? Les cerveaux sont les mêmes. Moi, je soulève la question que la reproduction sexuée chez les humains, s'il y avait une observation qu'on pouvait faire, c'est qu'elle est extrêmement variée. Il y a des peuples qui sont polygynes, il y a des peuples qui sont monogames. Nous, on est monogames en série. Il y en a d'autres qui sont monogames à vie. Il y a des quelques peuples polyandres où il y a une femelle avec plusieurs mâles. Bref, c'est assez varié. Et des amis de sciences humaines m'ont dit, c'est la preuve que la biologie que tu fais n'a rien à voir avec ça. Parce que quand on regarde un pigeon, il est monogame à Londres, il est monogame à Milan, puis il est monogame à Montréal. Hein. Et c'est vraiment une bonne observation. Donc, l'humain est une espèce qui est culturelle, et cette culture varie selon les conditions et tout. Il existe des animaux, parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est vrai que le pigeon est pareil partout, mais il existe des animaux où c'est très variable. Et il y a une petite espèce de, j'ai oublié son nom en français, une petite espèce d'oiseau brune, bien ordinaire, où dans le même pays, au même endroit, il va y avoir des couples qui sont monogames, des couples qui sont polyandres, puis des couples qui sont polygynes. Ce n'est pas des couples, là, mais des groupes qui sont polygynes. Donc, il y a un conflit d'intérêt entre le mâle et la femelle, et ça, c'est vrai même chez les monogames, et selon les conditions locales de disponibilité de partenaires sexuels, de richesse de l'environnement, etc., le conflit se règle à différents points. Dans un point, c'est la monogamie, dans un autre point, c'est le mâle qui gagne puis il est polygyne, dans d'autres points, c'est la femelle qui gagne puis elle est polyandre. Et dans la même espèce. Et ça, on n'a pas tendance à les renoter, ça, mais c'est assez répandu. Fait que là, si on vient aux humains, on pourrait se poser la question, ce qui est biologique, c'est pas le système dans lequel le système marital dans lequel on se retrouve, ça, c'est pas biologique, mais le conflit d'intérêt mâle-femelle, lui, il est biologique, et il est présent, et il est réglé de façon différente, dépendant des conditions historiques et locales et culturelles. Donc, il est possible que l'humain ait pas une flexibilité complètement arbitraire. Il y a des solutions à un conflit d'intérêts de reproduction entre les mâles et les femelles, et il est réglé de différentes façons à différents endroits sur la Terre. Ben, effectivement, la vision cartésienne veut que ce qu'on partage avec les animaux, c'est la machine. On a un corps, une physiologie, une mécanique, une machine. Et les animaux ont aussi une machine, mais eux, ils ont que ça. Et nous, on a la machine, mais en plus, on a la raison, la passion. Donc, toutes les sciences humaines sont issues de cette pensée binaire. C'est-à-dire que il y a la médecine qui s'occupe de la machine, et il y a les sciences humaines, la philosophie, la psychologie, la sociologie, les sciences sociales, qui s'occupent de la passion puis de la raison. Et que ceux qui s'occupent de la machine, ils n'ont rien à dire sur l'autre bout. Okay. Et il y a Darwin qui est arrivé après, et supposément, Darwin aurait fait une révolution, mais moi, je prétendrais que c'est une révolution qui n'a jamais eu lieu. Les gens ont dit « Ah oui, regardons, qu'est-ce qu'il dit? C'est le fun, ça explique les dinosaures, mais ça ne dit rien dans notre monde d'aujourd'hui. » C'est faux. Ce que Darwin dit, ça change tout, mais on ne s'en rend pas compte. Ça veut dire que toute l'organisation de notre savoir entre ceux qui étudient la machine, les biologistes, les médecins, tout ça, et ceux qui étudient l'âme, la passion, les sociologues, les psychologues, qu'ils sont séparés, ils ont tort. C'est la même machine. Il n'y a pas une âme que Dieu a mis là, quelque part qui fait qu'on est séparés, qu'on peut... On est la même machine. Alors, nos idées sont générées par un organe biologique au même titre que notre bile, au même titre que l'adrénaline, mais sécrétée par un organe biologique pour avoir une fonction, pour avoir une utilité. Et cette vision que nous sommes une machine, parce que les médecins, c'est des scientifiques, des biologistes d'aujourd'hui, mais ils ne sont pas darwiniens. Alors, au lieu de juste pointer le doigt aux sociologues ou aux psychologues, leur dire « Ah, vous devriez vous occuper de Darwin », je prends la peine, dans mon livre, de dire « Regardez les médecins. Les médecins, c'est des scientifiques, c'est des biologistes, mais si on dit à un médecin, as-tu déjà étudié ça, Darwin, tout ça, oh oui, je connais ça, c'est vague, mais ça n'a aucun rapport avec la vie d'aujourd'hui. À mon avis, c'est une erreur, parce que la médecine, c'est l'étude d'un être et de plusieurs êtres, parce qu'on est envahi d'êtres, on a un microbiome, on a des virus, des bactéries, toutes sortes de choses qui nous envahissent. Donc, c'est l'étude d'un espèce d'écosystème vivant qui a évolué. Alors, quand on regarde la maladie, puis on se pose la question, les symptômes que vous avez, est-ce que c'est votre corps qui se défend? Auquel cas, il faudrait les laisser aller, vos symptômes, ou est-ce que c'est la bactérie qui vous manipule à son bénéfice? Auquel cas, là, pour vous aider, il faudrait vraiment contrôler vos symptômes. Un médecin ne se posera jamais cette question-là. Si vous dites « j'ai une diarrhée », il va vous donner quelque chose pour arrêter la diarrhée. Vous ne direz pas « je me demande, la diarrhée, c'est le choléra qui l'a causé, auquel cas, il faudrait l'arrêter tout de suite ». Ou est-ce que si vous avez eu un empoisonnement alimentaire, ou là, c'est votre corps qui essaie de se débarrasser des toxines que vous avez ingérées, ou que vous avez dit, ça va être un mauvais moment à passer, mais vas-y. Alors, je ne veux pas dire, là, je ne veux pas faire l'apologie d'une nouvelle médecine ou d'une médecine parallèle, ou vous dire d'arrêter de voir votre médecin. Moi, j'aime bien aller voir mon médecin, là. Quand je suis malade, j'y fais bien confiance, même s'il ne croit pas à Darwin. Mais ils auraient avantage à adopter une pensée darwinienne lorsqu'ils essaient de réfléchir aux problèmes qui les heurtent. Alors maintenant, transposons ça en sociologie ou en psychologie. Je leur dis pas qu'il faut qu'ils mettent de côté leur science. Je veux dire, ils ont accumulé un savoir incroyable. Ils ont une expertise sur les humains qu'aucun biologiste ne peut avoir. Mais est-ce qu'ils auraient avantage à essayer de réfléchir aux problèmes qui les heurtent avec une perspective darwinienne? En se disant, l'être humain, c'est un animal qui a évolué, là, là, là. Est-ce que ça vient jouer? Est-ce que ça peut m'éclairer? Et ce qui empêche ça jusqu'à maintenant, c'est le fait, il y a plusieurs raisons qui empêchent ça. Un, c'est que la personne qui fait des sciences humaines, quelque part, elle n'aimait pas les sciences. Fait que, et dès le secondaire, elle n'a plus fait. Et c'est de valeur, là. Et souvent, c'est la faute de mauvais professeurs. Et c'est correct, on a le droit de ne pas aimer les sciences. Deuxièmement, c'est le fait que ceux qui ont fait, il y a des gens qui n'étaient pas des scientifiques ou qui pouvaient l'en être, qui ont utilisé la science à très mauvais escient pour mettre de l'avant des idéologies épouvantables, que ce soit l'eugénisme, les nazis, la race supérieure, etc. C'est inconcevable et il faut se parer contre ça. Mais est-ce que, et le déterminisme, l'idée que si on fait quelque chose de biologique, c'est que, paf, t'as oublié, fini, plus de contrôle. Si quelqu'un dit les hommes ont tendance à vouloir tromper leur femme, ça y est, on a tout un gène qui nous prédestine à tromper notre partenaire sexuel. Ce qui, en passant, soulève un grave problème pour moi, parce que si les hommes trompent leur femme, puis que c'est les hommes qui sont volages, ils doivent toutes la tromper avec la même femme. Parce que sinon, il faut que les deux soient également volages. Ça ne marche pas dans notre système qu'il y a juste un des deux sexes qui soit plus volage que l'autre. En tout cas, fermons la parenthèse. Vous dites aussi, donc, ces questions de différence raciale, sexuelle, aussi, je dirais, ethnique, linguistique, religieuse, et nos fameuses questions identitaires, qui sont génératrices de tellement de conflits que ça n'existe pas dans le monde animal ou vraiment de la même manière. Non, Et ça, c'est étonnant pour nous. C'est étonnant. Alors, s'il y a quelque chose qui est vraiment étonnant de l'espèce humaine, c'est que de tout le monde animal, nous sommes réellement la seule espèce réellement culturelle. Il existe de la culture là, chez d'autres espèces. Les chimpanzés ont des techniques pour pêcher les termites ou briser des noix. C'est parce que quand on voit des prédateurs qui ont de l'air, on pourrait dire, avec des traits humains en colère, qui peuvent faire peur, il me semble qu'ils luttent entre eux, peut-être pour la nourriture, peut-être pour une femelle, mais ils ne sont pas pacifiques nécessairement tout le temps. Là. Non, nous non plus, on n'est pas pacifiques. Non, ça, je le sais. Donc, les animaux, non, ils sont pas pacifiques. C'est pas, les animaux sont loin d'être un modèle de ce qu'on devrait être. Ils sont à plusieurs égards bien pires que nous. Et je pense que c'est très important. Une des choses que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que l'évolution n'a pas un plan C'est un processus froid et aveugle qui génère de la diversité et qui génère tout ce qui marche à l'instant même. Et donc, le hasard et la nécessité de l'instant. Et anciennement, on croyait que la nature avait été créée par Dieu, donc elle cachait des messages de bonté et de morale que Dieu aurait voulu. Et il faut se méfier de ça parce que il y a des groupes contre l'homophobie qui me contactent pour me demander si j'ai des exemples d'animaux qui sont gays. Puis je leur dis, oui, il y a 450 espèces d'animaux gays, mais ça ne peut pas vous aider. À quoi ça sert de savoir ça? Ben, on pourrait dire que c'est naturel. Ben, il y a tous les canards qui font des copulations forcées. Fait que là, j'aurai une association de violeurs qui va m'appeler et me dire, monsieur, pouvez-vous me donner des exemples de viols dans la nature? Il y en a plein, mais ça ne veut pas dire que c'est bon et justifiable d'être un violeur. Il y a du cannibalisme, il y a toutes sortes, il y a de l'infanticide, il y a du fratricide, tout est dans la nature. La nature ne peut pas nous servir de caution morale. Donc ça, il faut mettre ça de côté tout de suite. Et nous, comme humains, on a développé cette culture. C'est un cerveau énorme qui a la capacité d'emmagasiner de l'information et d'apprendre à partir des expériences des autres et de le garder. Et la culture a ceci de particulier, c'est qu'elle n'appartient pas aux individus. J'ai une culture, je suis un Québécois, francophone, canadien, nord-américain, il y a plusieurs échelles de culture, là, mais je suis un Québécois, francophone, un Montréalais. Et cette culture-là, c'est moi, mais elle ne m'appartient pas. Je ne peux pas la changer. Je ne peux pas décider que les Montréalais, demain matin, ça... Je peux pas. Je ne veux pas m'écarter trop du livre, mais vous m'amenez à penser à... ce grand psychanalyste qui est Carl Jung, qui semble parler de l'inconscient collectif d'une nation. Comme si ici chez nous, les Québécois auraient depuis 4-5 générations un inconscient collectif. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je trouve ça intéressant. Je ne connais pas beaucoup M. Jung et ses idées. Mais ce que ça fait, c'est que y a le lien que vous venez de faire, c'est le lien que j'aimerais qu'on fasse plus souvent entre une idée qui vient de la biologie et quelqu'un qui étudie les sciences humaines, qui y a pensé bien plus longtemps que moi et qui pourrait venir alimenter. Parce que ce que j'aime dire, c'est que même si je dis que la biologie, que la culture est biologique, ça ne sera jamais un biologiste qui va vraiment comprendre la culture. La culture, c'est un phénomène que les gens en sciences humaines étudient et c'est eux qui doivent... comprendre ou nous aider à comprendre la culture, mais s'ils nient d'avance que nous sommes des êtres biologiques, parce que ça a des problèmes idéologiques, s'ils le nient d'avance, ils se coupent de tout un monde d'explications. Alors, cette culture qui ne m'appartient pas, mais qui me détermine et qui m'influence, cette culture, c'est une adaptation. Je fais l'analogie avec une fourmilière où toutes les fourmis ils sont en fait de la même famille, ils se reconnaissent à l'odeur et ils sont très gentils les uns avec les autres et ils collaborent, ils construisent la fourmilière, ils chassent communément, ils rapportent à tout le monde la nourriture. Donc c'est vraiment comme un organisme. C'est un organisme, un super organisme qu'on appelle. Alors je fais l'analogie avec l'humain pour dire que lorsqu'on fait partie de la même culture, on a le même comportement que les fourmis. On s'entraide, on s'ouvre la porte, on paie des impôts, on a des égards les uns vis-à-vis des autres. Lorsqu'on est dans la même culture, et comment on reconnaît quelqu'un qui fait partie de notre culture? Ben, c'est pas l'odeur, nous, c'est la langue. La langue qu'on apprend quand on est enfant, on l'apprend pas volontairement, on n'apprend pas l'accent qu'on a volontairement, on apprend la langue et c'est un étendard très difficilement dissimulable de la culture à laquelle on appartient. Donc, en terminant peut-être, culture et langue qui distinguent, parfois pour le pire, mais souvent pour le mieux, l'être humain, peut-être des animaux, m'amène à réfléchir sur la littérature et sur le processus de création artistique. Deux éléments que vous apportez. D'abord, les écrivains, les poètes, et particulièrement les romanciers, s'intéressent souvent au fil ténu entre réel et fiction. j'envoyais un interrogé encore lors d'un magazine littéraire à la télévision qui préférait le réel plutôt que la fiction. Les autres ont préféré la fiction. Mais vous citez ce grand écrivain d'anticipation de science-fiction qui est Philip K. Dick et qui lui dit que la réalité n'est qu'un point de vue. Oui. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben, je pense que ça me fait rêver, cette phrase-là, parce que c'est tout court, mais ça dit tout, à mon avis. Dans quel sens? Parce que, à un moment donné, j'essayais de faire voir que chaque animal, chaque espèce, et là, pensez, là, pas juste chat-chien, là, pensez fourmi, pensez vers de terre, pensez toutes les espèces vivent dans un monde. Ils doivent se le représenter d'une certaine façon dans leur système nerveux pour être capable de déambuler, de fonctionner dans le monde, puis de pas essayer de copuler qu'un prédateur ou d'essayer de manger quelque chose de qui est de la roche. Donc, alors, ils ont un système nerveux qui, à partir du feedback de leur sens, leur permet, dans leur propre système nerveux, de recréer une représentation du monde dans lequel ils sont. Mais cette représentation, elle est faite à partir de sens différents dans un cerveau totalement différent du nôtre. Il ne peut pas être semblable au nôtre. Et donc, la réalité que nous voyons n'est qu'un point de vue. Et l'acte de création lui-même, vous dites que vous êtes allé voir, il n'y a pas tellement longtemps, au Centre Bell, les Foo Fighters, et en particulier Bob Dylan. Je pourrais, moi, donner un exemple dans le jazz, qui est ma passion suprême. Je pense qu'un chercheur, je ne sais pas si c'est à l'UQAM, peut-être à l'Université de Montréal, qui a amené le chanteur Sting à collaborer parce qu'il voulait voir, il veut voir comment son cerveau fonctionne. Il y a toujours, entre autres, dans le jazz, au fond, dans la musique classique aussi, la partie écrite, voire même arrangement, orchestration, et la partie souvent mise de l'avant par le jazz, qui est la partie improvisation spontanée. Et vous évoquez ça à un moment donné, vous utilisez les deux termes suivants. Je crois que le premier, c'est volonté. Donc, comme si c'était déjà en place, plus connu, plus stable, et spontanéité. Ah, c'est bon que vous fassiez ça, le rapport avec le jazz, parce que j'avais pas fait cette connexion-là. Mais, mais c'est un débat permanent. C'est un débat permanent. J'essayais de faire prendre conscience aux gens que souvent, on dit, nous autres, les humains, on est bien différents parce qu'on apprend. On apprend plein de choses. Puis que cet apprentissage-là. Il y a la technique et la spontanéité. Ben, l'apprentissage nous libère. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que cet apprentissage-là, c'est pas quelque chose que vous pouvez vouloir apprendre, mais que vous appreniez ou non, c'est indépendant de votre volonté. Si vous vous mettez en situation d'apprendre, et puis là, l'apprentissage va avoir lieu, vous voudriez qu'il y ait lieu plus vite, mais vous ne pouvez pas contrôler ça. Il va se faire comme ça. Moi, j'ai appris à jouer de la clarinette. Ah oui? Oui, et est-ce qu'il y a d'intéressant... Dans le style Nouvelle-Orléans, peut-être? Non, je suis plus bebop. Mais dans la clarinette, il y a la partie où on peut lire la musique, puis c'est facile. On peut être virtuose aussi. Oui, puis ça demande tout un autre monde d'être spontané. Et de s'abandonner, de se laisser aller. Ouais. Ça, c'est pour moi, personnellement, dans mon histoire à moi, c'est très difficile. Mais quand j'y arrive dans des moments spéciaux, c'est vraiment extrêmement gratifiant. J'ai beaucoup d'admiration pour les jazzmen qui sont capables, et les jazzwomen, qui sont capables de faire c'est ça. C'est gentil. Ah ben, on rappelle les coordonnées. Luc-Alain Géraldo, dans l'œil du pigeon, évolution, hérédité et culture. Chez Boréal, préface de Boucard Diouf, disponible dans les librairies depuis une couple de semaines. Merci infiniment, Luc-Alain Géraldo. Merci, M. Lelièvre. Voilà, c'était donc une entrevue fort intéressante sur la nature humaine que nous proposait Denis Lelièvre. On fait une petite pause musicale maintenant sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous emmène en Arctique à la recherche des épaves de l'expédition Franklin.